L'Excipéuse de Joseph-Henri Boux, dit Rosny-Aîné. 1887. Dédicace à Léon Hennick, son ami et admirateur, J.H. Rosny-Aîné. Livre premier. Chapitre 1. Les formes. C'était 1000 ans avant le massement civilisateur d'où surgirent plus tard Ninive, Babylone, Ecbatane. La tribu nomade de Piéou, avec ses ânes, ses chevaux, son bétail, traversait la forêt farouche de Xour vers le crépuscule du soir dans la nappe des rayons obliques. Le chant du déclin s'enflait, planait, descendait des nichées harmonieuses. Tout le monde étant très là, on se taisait en quête d'une belle clairière où la tribu put allumer le feu sacré, faire le repas du soir, dormir à l'abri des brutes derrière la double rampe de brasiers rouges. Les nues s'opalisèrent, les contrées illusoires vaguèrent aux quatre horizons, les dieux nocturnes soufflèrent le chant berceur, et la tribu marchait encore. Un éclaireur reparut au galop, annonçant la clairière et l'eau, une source pure. La tribu poussa trois longs cris, tous allèrent plus vite, des rires puérils s'épanchèrent, les chevaux et les ânes mêmes, accoutumés à reconnaître l'approche de la halte d'après le retour des coureurs et les acclamations des nomades, fièrement dressaient l'encolure. La clairière apparut. La source charmante y trouait sa route entre des mousses et des arbustes. Une fantasmagorie se montra aux nomades. C'était d'abord un grand cercle de cônes bleuâtres, translucides, la pointe en haut, chacun du volume à peu près de la moitié d'un homme. Quelques raies claires, quelques circonvolutions sombres parsemaient leur surface. Tous avaient vers la base une étoile éblouissante. Plus loin, aussi étrange, des strates se posaient verticalement, assez semblables à de l'écorce de bouleau et madrées d'ellipses versicolores. Il y avait encore, de ci de là, des formes presque cylindriques, variées d'ailleurs, les unes minces et hautes, les autres basses et trapues, toutes de couleur bronzée, pointillées de vert, toutes possédant comme les strates le caractéristique point de lumière. La tribu regardait, ébahie. Une superstitieuse crainte figeait les plus braves, grossissant encore quand les formes se prirent à onduler dans les ombres grises de la clairière. Et soudain les étoiles tremblèrent, vacillantes, les cônes s'allongèrent, les cylindres et les strates bruissèrent comme de l'eau jetée sur une flamme, tous progressant vers les nomades avec une vitesse accélérée. La tribu, dans l'ensorcellement de ce spectacle, ne bougeait point, continuait à regarder. Les formes abordèrent. Le choc fut épouvantable. Guerriers, femmes, enfants, par grappes, croulaient sur le sol de la forêt, mystérieusement frappés comme du glaive de la foudre. Alors, aux survivants, la ténébreuse terreur rendit la force, les ailes de la fuite agile. Et les formes, massées d'abord, ordonnées par rang, s'éparpillèrent autour de la tribu, impitoyablement attachées aux fuyards. L'affreuse attaque, pourtant, n'était pas infaillible. Elle tuait les uns, étourdissait les autres, jamais de blessés. Quelques gouttes rouges jaillissaient des narines, des yeux, des oreilles des agonisants, mais les autres, intacts, bientôt se relevait, reprenait la course fantastique dans le blêmissement crépusculaire. Quelle que fût la nature des formes, elles agissaient à la façon des êtres, nullement à la façon des éléments, ayant comme des êtres l'inconstance et la diversité des allures, choisissant évidemment leurs victimes, ne confondant pas les nomades avec des plantes ni même avec les animaux. Bientôt les plus véloces perçurent qu'on ne les poursuivait plus. Épuisés, déchirés, ils osèrent se retourner enfin vers le prodige. Au loin, entre les troncs noyés d'ombre, continuait la poursuite resplendissante. Et les formes de préférence pourchassaient, massacraient les guerriers, souvent dédaignaient les faibles, la femme, l'enfant. Ainsi, à distance, dans la nuit toute venue, la scène était plus surnaturelle, plus écrasante au cerveau barbare. Les guerriers allaient recommencer la fuite. Une observation capitale les arrêta. C'est que, quels que fussent les fugitifs, les formes abandonnaient la poursuite au-delà d'une limite fixe. Et Silas, si impotente que fût la victime, même évanouie, dès que cette frontière idéale était franchie, tout péril aussitôt cessait. Cette très rassurante remarque, bientôt confirmée par 50 faits, tranquillisa les nerfs frénétiques des fuyards. Ils osèrent attendre leurs compagnons, leurs femmes et leurs pauvres petits échappés à la tuerie. Même un d'eux, leur héros, abruti d'abord, effaré par le surhumain de l'aventure, retrouva le souffle de sa grande âme, alluma un foyer, emboucha la corne de buffle pour guider les fugitifs. Alors, un à un vinrent les misérables. Beaucoup, éclopés, se traînaient sur les mains. Des femmes mères, avec l'indomptable force maternelle, avaient gardé, rassemblé, porté le fruit de leurs entrailles à travers la mêlée à garde. Et beaucoup d'ânes, de chevaux, de bœufs, reparurent moins affolés que les hommes. Nuit lugubre, passée dans le silence, sans sommeil, où les guerriers sentirent continuellement trembler leurs vertèbres. Mais l'aube vint, s'insinua pâle à travers les gros feuillages, puis la fanfare aurorale de couleurs, d'oiseaux retentissants, exhorta à vivre, à rejeter les terreurs de la ténèbre. Le héros, le chef naturel, rassemblant la foule par groupe, commença le dénombrement de la tribu. La moitié des guerriers, 200, manquaient à l'appel. Beaucoup moindre était la perte des femmes et presque nulle celle des enfants. Quand ce dénombrement fut terminé, qu'on eut rassemblé les bêtes de somme, peu manquait par la supériorité de l'instinct sur la raison pendant les débâcles. Le héros disposa la tribu suivant l'arrangement accoutumé, puis, ordonnant à tous de l'attendre, seul, pâle, il se dirigea vers la clairière. Nul, même de loin, n'osa le suivre. Il se dirigea là où les arbres s'espaçaient largement, dépassa légèrement la limite observée la veille et regarda. Au loin, dans la transparence fraîche du matin, coulait la jolie source. Sur les bords, réunis, la troupe fantastique des formes resplendissait. Leurs couleurs avaient varié. Les cônes étaient plus compacts, leurs teintes turquoises ayant verdi, les cylindres se nuaient de violet et les strates ressemblaient à du cuivre vierge. Mais chez toutes, l'étoile pointait ses rayons qui, même à la lumière diurne, éblouissaient. La métamorphose s'étendait au contour des fantasmagoriques entités. Des cônes tendaient à s'élargir en cylindres, des cylindres se déployaient, tandis que des strates se curvaient partiellement. Mais comme la veille, tout à coup, les formes ondulèrent, leurs étoiles se prirent à palpiter, et le héros, lentement, repassa la frontière de salut.